pas marqué, conçu pour attaquer. C'est sombre, ça va charcler, ça passe même sans la clé. C'est froid même sans la clim, pas là pour vendre la dream. Ça cogne même avant le drink, c'est pété porte des streams. Je résiste comme Chavez, viva la Palestine. Amérique latine, Afrique à mes racines. Le sang traverse le ciel, connexion à distance. Je rejoins la résistance. Echo, qu'est-ce t'en penses? De la France au Chili, le MC chie dans son lit. Tu commences à peine à connaître et non, c'est pas fini. Fais-les à fuck, monnaie blanc. Fais tourner la beuh, fais tourner le sang, mets le feu. Oh, la connexion est Chile y Francia. Rap, calle, cru, familia, constancia. Corazón de campeón, triga, cero arrogancia. Silencio, que aquí portamos la sustancia. Lo vivido en el judo, aquí se plasman canciones. Otro escenario, mismas situaciones. En todos lados hay callejones, en todos lados hay pobla. En todos lados hay sol y caminos de sombra. Púa, espina, baliza, esquina. Somos la nueva mercancía. Caroma, pólvora y cantina. El éxito lo llevo guardado en mi retina. Con cualquiera no trabajo, aquí cualquiera no cocina. No le tiro nada a nadie porque a nadie yo le temo. El rap a mi es vital, no es para acaparar terreno. Si no lo hago me muero, no se trata de dinero. Fluye la pasión de un gallo, un sentimiento verdadero. On fait du sang, sang qui traverse les frontières sans passeport. Ni chill, c'est la connexité, si t'es paré, monte à bord, pélo. Entre transcrit nos misères, là que de la haine au bout du viseur. T'arrêteras pas la balle derrière ta visière et dealer. Mais juste en rime installé car se creuse, j'évite les caméras de la ville et les MC qui me parlent de buzz. Musique parfumée à la bleue, je suis pas convoité par la chance. Non, je disparais quand ça crie 22 et je reste blasé par la France, frelot. Des rimes affûtées comme les chasses d'un faux frère. Faudrait que je fasse le vide afin que j'avance et que je progresse. Des promesses, on en entend tous les jours, mais rien ne change. Gros, je laisse le mic à ceux qui le méritent vraiment. Trato cada ritmo sabiamente, como resolviendo un logaritmo. Esta gente a mí me representa, no deja que me caiga el abismo. Algunos me matigan, pero no me tragan, vuelo su cinismo. Ya ha pasado miles de desiertos, sé de espejismo. Mi canto implora que yo siga siendo el mismo. No soy poeta, soy el portador del rap. Sierra Jeta, el narrador de historias de la yeca. He vivido la meca y la seca con dolor de guata haciendo mueca. Pegado la náquida, de amaneca, uja la vieja chepa. El tiempo es ahora, ahora es tiempo de cumplir mi meta. De Chile a Francia sabemos de rap, de la A la Z. Fais les as, écoute, suivez le profil correct. Le clin d'eau d'Europe débarque en 3-4 clics. J'connecte Street Kings, Corleone, MBTSS, fais les as. Zig de puriste, loin de tous ces nazes. Fier de côtoyer mes friends, mi photo, mis panas. Prêt à esquiver la spera, si la samistatis falsas. Pas tampon sur passeport, les sons est bon, ils s'exportent. Je marche avec de vrais potes, je traîne avec des escortes. Ce qui pour lâche rien comme des clebs. Dès que ça mort, check les textes. Où nos dos, nous sommes morts, ça passe du Tchekar au Chili. Tranquille, c'est ça le thème. Vénard calé au sud chilling, on laisse passer le time. Aïe.